Et c'est parti, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau live en ce vendredi 27 mars. Nous sommes là pour la suite, l'épisode 8 de Dungeon World, avec toute la petite équipe. Et la fine équipe. Oui. Ouais, fine, petite, voilà, c'est à peu près la même chose. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va quand même vérifier un truc vite fait. C'est que le live s'est bien lancé. Oui, je confirme. C'est bon. Oui, oui. C'est bon ? Ok. Bon, bah... ouais, je peux tricher, c'est bon. Tu peux tricher ? C'est bon. C'est bien, c'est qu'il n'y a rien à tricher. Et tu peux tricher, hein, y a pas de soucis. Comme ça, tu as pu voir des jets que j'ai fait que vous n'avez pas vu. Ah, le fourbe. Et le fourbe. T'as fait des bougers quand même, mine de rien. Oui, bah, pas tant que ça, vu que c'est sur un 54. C'est pas tant que ça. Quoi. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est moyen, quoi. Donc, épisode 8. Qui veut faire un petit Precedently ? Qui veut. Faire un peu de. J'ai fait la dernière fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui colle. Personne. Tous en même temps. Personne ne faire le Precedently. Ok. Bon bah tant pis alors. Si j'oublie des trucs. Et si y a rien qui vous aide. Ouais, vous avez. Je pense une grosse bestiole. C'est ça, vous avez. C'est une grosse baffe. Suite. Faites-le ou faites pas, hein. C'est à vous de voir. Bah, de ce que je me souviens, c'est qu'on a été sur les lieux d'une bataille où t'avais des paladins presque à poil qui se battaient contre d'autres gars dont je ne sais plus ce que c'était. Des chultistes et les. Voilà, merci beaucoup. Moines guerriers de l'ordre du. De l'ultime. Ouais. Et t'as Heinrich qui a déplié un petit tabouret qui s'est installé avec un cocktail. Moi qui ai regardé à côté. Arbitraire, fidèle à lui-même, a foncé dans la mêlée pour tuer tout ce qu'il y avait autour de lui. Ou peindre, comme il dit. Et Klaus qui... Je m'exprime artistiquement. Et Klaus qui est parti combattre une bête qui, de mémoire, lui a foutu une seule petite pichenette et il était mal. Oui, il avait failli m'arracher à moitié de la gueule. Hein. On se met d'accord. Avec une petite pichenette. Et après, la grosse bête lui a dit « Tu n'es pas prêt !» et est parti. C'est à peu près c'est ça. C'est tout ce que moi je me souviens. C'est à peu près tout ce qui s'est passé en même temps. Hein. À peu près. Ah bah, pas ça. Bah, beaucoup marqué, c'est la patte de la créature. Tout à fait. Vous alors, aviez, par contre, du coup, les chutistes, visiblement, ils étaient là pour entamer un espèce de rituel magique que j'ai réussi à empêcher grâce à ma vivacité d'esprit. Et vraiment pas grâce à l'absence de coopération d'un certain arbitre. Ah, c'est pas ça que mon esprit a été lui dire, faudrait arrêter, il paraît. Bouquinia dit mot consent. Je ne sais pas. En tout cas. Ouais, Bouquinia dit mot et on est en train de planter. Ah, je sais pas, ouais. C'est pas impossible. Mr. Arbiter. Are you here? Oui. Okay. Oui, non, je parle de toi. C'est pas le passé qui a planté, c'est le bonhomme. Il s'est pas senti concerné. Il s'est pas senti concerné. Tant pis. Tant pis. Donc, bon. De toute façon. Ouais, je suis au-dessus des considérations des mortels. De toute façon, voilà, vous aviez, suite à la sortie de votre combat contre la liche Tultu Team, vous êtes parti à la recherche d'un monstre qu'avait dans, dans son collimateur Mr. Klaus, il se trouve que en cherchant dans le secteur où la dernière fois le monstre a été aperçu, vous êtes voilà, vous avez fait face à un combat entre les paladins du ultime et les chutistes. Combat assez qui a fait pas mal de morts, parce que en tout cas dans les rangs des chultistes, mais dans le sens où ben oui, il semblait chercher le combat et voire même chercher la mort, en tout cas c'est ce qu'a remonté Heinrich, et d'où le fait qu'il a on va dire couper un peu la venue de ces vagues de chultistes en mettant en miettes la ruine d'où ils sortaient. Pendant ce temps-là, notre ami Klaus s'est battu contre la bête qu'il a rencontrée, mais une bête qui est un peu spéciale, parce que c'est l'anneau. C'est une bête un peu unique. Parce que l'anneau est l'animal unique de Lucifer. Et clairement, je tiens à te signaler que t'es quand même en train de nous dire que l'anneau est unique. Oui, tout à fait. Oui, c'est le but, je crois. Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'anneau. Oui. C'est pour ça qu'il s'appelle l'anneau. Mais c'est ton précieux maintenant, c'est ça? Ah, c'est le précieux de quelqu'un, mais plutôt de Lucifer, à mon avis. Donc suite à ça, vous avez ce combat difficile. L'animal n'est pas resté très longtemps, en fait, et est reparti. Et donc, suite à tout ça, vous avez juste fait pas trop discuter avec les paladins, et vous êtes rentré chez le vieux Ping, à l'auberge des chiens des enfers qui toussent, pour remarquer que ce lieu qui est neutre a pourtant été attaqué. Voire largement même attaqué, parce que il y a beaucoup de pertes, beaucoup que ce soit humain ou même matériel, dont votre petit groupe de démarqués. Vous aviez je crois perdu 4 ou 5, je sais plus, dans les largeurs. Quelques-uns. Ça, il vous en reste 2 plus les 2 que vous avez, 4 plus vous avez, il vous reste 2 gars à payer, enfin 2 gars dans les gars à payer là, donc voilà. Et ça, c'est le problème de Heinrich. Et... donc il reste que quand au moment où vous êtes arrivé, il y a un gros une ambiance très pesante, et ça discute dans tous les sens, ça a l'air il y a de l'agitation, de la préparation à sûrement des actions en ces lieux, en tout cas pour essayer de comprendre pourquoi et qui a attaqué l'auberge, cet endroit neutre. Ouais, et puis surtout aussi à savoir qui c'est qui a dessiné ce magnifique portrait de Klaus sur cet avis de recherche. Cet avis de recherche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une avis de recherche. Ouais, ouais. Je l'oublie. Ya. Donc ça. C'est ça. Ouais. Il y avait la... Klaus, avis de recherche, je l'avais noté, mais en tout petit. Donc voilà, vous en êtes. Donc maintenant, à vous. Ça pas ce que vous voulez faire. Non, jamais. Que faites-vous? On est où? Vous êtes à l'auberge? Je viens de m'expliquer de tout le truc où je vais arriver, hein. Donc, non, mais en fait, bon, j'ai un problème de casque, j'ai tout débranché et tout rebranché. Je suis désolé. Donc, bah, moi j'ai retrouvé les deux marqués qui restaient. Ouais. Donc là, c'est le bordel, je me dis. Ils sont en train de. Oui, c'est le bordel. Bah, comme je dis, il y a pas mal de pertes humaines. Vous voyez qu'il y a un entassement de corps fait à l'extérieur pour que les personnes puissent voir, enfin, les identifier et voir aussi certaines équipes voilà, qui vont les. Les enterrer. Tu as aussi des pertes matérielles parce que. Une partie des barricades qui protégeaient le secteur et sont tombées. Il y a même les. J'avais dit que c'était un carré de maison, toute maison qui était tout l'auberge. Vous voyez qu'il y a une partie qui a cramé carrément. Ouais. Les autres qui se sont fait défoncer dans tous les sens. Enfin, voilà, il y a réellement eu un gros carnage. Est-ce qu'il y a genre des gens qui ont l'air d'être en charge de tout le bousin, genre des mecs qui sont en train de coordonner ou quoi que ce soit? Bah t'as les équipes du vieux ping qui se chargent des choses principalement. Tu vois qu'il y a il y a les autres groupes comme j'expliquais qui sont présents aussi, qui aident. En tout cas, ou qui gèrent peut-être leur mort. Comme j'ai expliqué aussi, il y avait des gradés qui faisaient des réunions apparemment sur les étages au-dessus, comme avait pu participer Klaus. Klaus, voilà. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas genre un groupe qui sont en train de tout coordonner, ou c'est un peu tout le monde fait son truc dans son coin? Non, c'est principalement, si tu cherches vraiment un groupe principal, c'est vraiment le groupe du vieux ping. Ouais, d'accord, c'est pour ça. Bah du coup, je vais aller les voir, suivi des quatre, des deux débiles et des deux moins débiles. Et je vais plus ou moins me planter avec eux. Et en gros, écouter ce qu'ils sont en train de dire, et si jamais il y a quelque chose où ils ont besoin de mecs, j'envoie les quatre pour aller faire le boulot. Bah, tu comprends que, comme j'expliquais, c'est que le truc principal pour le moment, c'est la palissade. Parce qu'une grosse partie de la palissade a disparu. Y a pas de meilleur mot, quoi. Première vue, en fait, si tu regardes un peu plus près, c'est le truc, il a explosé, quoi. Ouais. J'envoie les. En entendant ça, j'envoie les quatre aider à la réparation de la palissade. Je les surveille, de près, du haut du cheval. Ok. Bon, bah, tes gars aideront donc aux palissades. Pour vous, les autres? Bah, moi de mon côté, je vais voir si je trouve pas le groupe de druides que tu avais repéré justement. Tu verras que les. Peut-être, il y a peut-être pas autant de druides que ce que tu avais pu croiser les dernières fois, mais oui, il y a un petit groupe. Ils sont 4, 3-4, quoi. C'est vraiment un petit. C'est plus une petite délégation qui est en train de discuter avec. Avec quelques autres responsables d'autres groupes, quoi. Voilà. Ok. Bon, je vais attendre qu'ils soient plus avec les autres groupes et puis j'irai les voir. D'accord. Bon, bah, tu trouveras un moment, voilà, sans aucun souci pour ça. Et tu remarques que, voilà, il y a deux jeunes et un gars qui est plus vieux, clairement. Tu peux pas trop dire son âge, quoi, mais toi, tu. tu pourrais dire facilement 60 ans, quoi, sans te. Sans trop t'embêter, quoi. Ok. Mais du coup, ce sera vers lui que j'irai et. Et de manière comme ça, les plats dans le plat, je lui dirais qu'on a trouvé leur pote Célestin, qu'il est mort. Vous avez trouvé Célestin ? Oui, mais il ressemblait à un squelette. Comment ça, un squelette ? Un squelette ? Il est mort ! Ah bah, en tout cas, il marchait plus beaucoup, il respirait pas. Je croyais qu'il était parti de la ville et qu'il avait abandonné la communauté. Je savais pas, ça fait au moins, oula, 20 ans, 25 ans qu'il est... Oh, pauvre oui. Célestin. Oui, vu qu'il y avait plus beaucoup de chair sur le truc, ça doit être ça. Oh, c'était pourtant un bon druide, mycologue, hein, vous savez. Et vous l'avez trouvé où? Oh, un petit peu plus loin là-bas. Puis je me retourne et je fais Heinrich. Je vois qu'il est très réactif. Totalement. Hein. Totalement. Je crois que c'est ce soir, c'est la réactivité chez les gens et ouais, au maximum. Je pense. Ah non, mais Heinrich a parfaitement bien entendu. C'est juste que bon. C'est le choix. Bon, les couilles, frère. Voilà, c'est un petit peu genre. C'est ta quête du druide disparu, de mes couilles, de je sais pas quoi, tu vois. Là, du coup, bah, vu qu'il ne débarque pas, je me retourne vers le druide. Je fais. Oui, bah, en fait, on est allé chercher une sorte de tour de tourne, je sais pas quoi, d'herbe dans une grotte, ou je sais plus, et il cherchait quelque chose en rapport avec une loutre. Et un bâton. Tu vois que tu en parlant de la loutre, la loutre et le bâton, toi, ça clairement, toi, ils se regardent tous un peu et fait. Vous êtes en train de me dire qui vous étiez à la recherche, enfin, du bâton de la loutre. Non, ça ressemblait plus à. Enfin, ça ressemble à un bâton, mais il paraît que ça met des herbes aromatiques. Et là, quelqu'un arrive et dit hey, ils vendent des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Tu ne veux pas me vendre des bâtons de la mort? Je prends pas de bâtons de la mort, et je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Voilà, nouvelle référence, merci. Et donc le bâton de la loutre. Le druide te fait le bâton de la loutre, mais vous êtes à sa recherche. Mais c'est quoi cette plante que vous parlez? C'est. Bah du coup je me retourne et je pense que c'est Heinrich qui l'a. Je fais c'est lui qui l'a. Il a le bâton de la loutre. Je sais pas si c'est un bâton de l'autre, mais il y a des herbes épicées dessus. Alors, juste qu'on soit d'accord, la scène qui a aimé, je vois donc que tu es en train de parler à des gens. Et tu pointes vers moi. Oui. Je crois que c'est l'heure d'y aller. Classique. Je sais pas pourquoi, mais justement, oui, j'ai aquaponé là, faut que j'y aille. Le réflexe primaire de. On me pointe du doigt, je m'en vais. J'allais utiliser mon expression habituelle de excusez-moi, faut que j'aille brosser ma loutre, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée vu le contexte. Bah, clairement, bah, ok, tu verras qu'il y a un des jeunes qui va prendre vers ta direction, Heinrich. Donc, voilà, et si tu veux le semer ou tout ça, voilà, il faut fais-moi un petit jet. Défier le danger. Monsieur, excusez-moi. Ah oui. Non, j'entends pas. Là, là, là, là, là. Ah, mais c'est complètement ça. Je l'ai pas du tout vu, le genou. Et... On va pas du tout dans la même direction. Je sais pas où il va. Je sais qu'il va pas dans ma direction. J'imagine. Tu dis quoi, Klaus? Faut qu'on y aille, pardon, excusez-moi. Quoi, arbiteur? Oui, je t'entends, tu parles beaucoup trop fort, là, je... C'est l'arbiteur, effectivement. L'arbiteur, le gars qui parle jamais, quoi. C'est mieux, ça, je trouve. Non, non, mais du coup, je fais carrément, ouais, tu sais, en tournant un coin, je fais... Ah, oui, j'arrive. T'es avec tout le monde qui te regarde en mode, je l'ai appelé, celui-là. Ok, bah tu fais ça, mais voyons si toi, si t'arrives à faire à perdre le petit le gars qui va essayer de te suivre, quoi, quand même. Voilà, c'est juste il va pour te suivre, en tout cas. Bah, tu veux que je fasse ça sur quoi, du coup? Un dextérité, oui. Un truc de base, défier le danger, c'est pas, voilà, c'est... Le danger, c'est de savoir si t'arrives à... Ok, oui, Google, c'est bien, mais je parlais pas à toi. Ah, Google a répondu à l'appel d'Heinrich. Ok, Google, sème le druide. Le dieu, Google, vous a trouvé. Trugésité flanchée, la MJ présente une situation qui empire ou un marché pénible ou un choix désagréable. Voilà, t'as le choix. Je vais te donner un choix, c'est soit il t'arrive à te rattraper, voilà, enfin un peu plus loin, toi, il t'arrive à te reconnaître, ou bien tu arrives à le semer. Mais tu te feras repérer par un autre groupe qui souhaite te parler. J'ai envie de savoir qui c'est l'autre groupe, du coup. Du coup, on va prendre ça. Ok. D'accord. Bon, on met ça de côté. Je reviens vite fait avec. Les druides, ils vont popper. Ils vont popper en mode plung. On aimerait vous parler, monsieur. Monsieur Tron, vous parlez. Connaissez-vous la grande loutre? Nous sommes là pour. Non, merci, on a déjà donné. Non, mais. Donc, Célène, tu. Ouais. Tu vois, donc il y a un des druides donc, qui est parti apparemment chercher ce fameux Heinrich. Et de ton côté, tu vois, le vieux fait vous êtes qui pour savoir que c'est Célestin que vous avez trouvé et... Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui? Et là, de la manière la plus naturelle du monde, je lève le petit doigt vers le haut. En fait, je monte Icat et je lui fais « c'est elle qui me l'a dit ?» C'est le vide pour eux, quoi. Regarde, un moment, il fait « Mais... Je vous comprends pas, vous montrez quoi, le... » Le tout toi, la lune, le... Ben, en fait, ouais, elle ressemble un peu à une lune avec des yeux rouges et des cheveux noirs, mais bon... Elle est surtout lunettes. Non, c'est parce qu'elle est lunatique, voilà pourquoi. Mais... Il regarde un peu le... Enfin, très bien, mais vous saurez nous aider à pouvoir retrouver le lieu où Célestin est mort. Bon, oui, je pense que ça peut se faire, oui. Mais bon, il n'y aura pas grand chose à reprendre, hein. Pourquoi donc? Bah, comme je vous l'ai dit, c'est plus qu'un squelette. Ah, oui, Célestin, oui. Oh, vous savez, nous la ramènerons vers son corps, vers les champignons, et il nourrira les champignons sous la porte de Baladur, mais. Ne vous inquiétez pas. Non, mais... Il est important qu'on retrouve ce bâton. Ça pourrait être la clé à refermer la porte. La porte? Mais oui, la porte de Baladur, vous suivez pas, voyons. Bah, pour fermer une porte, il faut une clé. Mais oui, mais ce que je viens de dire... J'en ai des clés, moi, dans ma poche. Garde la clé. Voilà, ça c'est la clé pour la maison, ça c'est la clé pour le garage, ça c'est la clé pour la boîte aux lettres. Le garage. La boîte à quoi? La boîte à quoi? La boîte à meux. La boîte à meux. Oh, je vais placer la boîte à l'envers. Mais la boîte à meux. Très bien, tu vois que le petit vœu, toi, te prend un il peu. Il va devenir chauve avec moi. D'accord. Il va devenir chauve avec moi, s'il n'est pas déjà. Non, il n'est pas, mais. il va pas tarder. Pour le coup, il te prend sur toutes ses. Un peu, tu sais, la main, tu sais, il prend la main, tu sais, un peu ta main dans la sienne, tout ça, tu sais, un peu, de façon un peu paternaliste, si tu veux. Il fait, mais. Venez manger avec moi, jeune fille, il faut qu'on discute, qu'on continue à discuter, il faut absolument qu'on retrouve ce bâton, il a de grands pouvoirs et. Il est important qu'on le trouve. Oui. Va avec le petit vieux pour qu'il te parle de son gros bâton. Serais-tu jaloux? Je suis pas là surtout. Surtout. Bah, c'est ce que je me dis, grand pouvoir. Je me suis dit, tiens, si t'étais resté encore 2 secondes. Oh, en fait, ce bâton. Bah, Céline va s'asseoir, elle va manger. Hein. Ok, bon voilà, en gros il va t'expliquer un peu l'histoire vite fait des druides, comme quoi ben, c'est les gardiens de la porte de Baladur et que c'est à ce lieu-là que se trouvent les champignons sacrés et dont qui est utilisé en fait pour faire les rêves prémonitoires des moines ou enfin voilà je sais pas des mm-hmm. des sorte de rêve d'émeraude de la comment de la religion de la loutre je cherchais un autre mot là. Le culte de la loutre oui le culte de la loutre sacrée. L'outre sacré. Ma bite sur ton front. Ma bite sur ton front, mon frère. Voilà, ce sont les mots de présentation du culte de l'outre. Si vous ne connaissez pas, hein, c'est tout à fait normal. Référez-vous à saison 1. Référez-vous à la saison 1 qui n'a pas été du tout livée, donc vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Référez-vous au récap, peut-être qu'on en a parlé là-dedans, mais je suis pas sûr. Possible. Donc voilà, il t'explique un peu le truc et en fait, au fur et à mesure, tu comprends que voilà la magie en fait existe en ces lieux grâce à la porte. Voilà, quoi, il t'explique la chose et que c'est très important en fait d'avoir qu'il récupère la clé parce que c'est ce qui pourrait permettre de fermer la porte, donc ouais. De ne plus avoir de magie, ou de l'ouvrir complètement et être submergé par la magie et tout ça. Et donc en fait c'est leur devoir d'être les gardiens de cette magie et en tout cas d'éviter qu'il y en ait trop et ainsi de suite. Donc, ouais, alors moi j'ai une question, c'est quand qu'ils mentionnent Snorri? À aucun moment. L'enculé. Non, attends. Ce sont des druides. L'enculé. Mais l'enculé. Ne sera pas sorti. Mais pour une très bonne raison que vous ne savez pas tout de suite parce que vous avez. Parce que c'était des sales pas voleurs plus. De champignons. Des voleurs de champignons. Voilà. Donc, Donc voilà, non, il te parlera pas de Snorri, ça c'est clair. Mais voilà, il te fait comprendre que c'est un objet très, très important et très rare et qu'il faut absolument qu'il mette la main dessus. Ok. Donc comment tu réagis à tout ça en fait ? À toutes ces discussions, déjà, je prends l'un des champignons que j'avais dans ma poche, je lui montre et je fais un des champignons comme celui-là. Je me souviens plus des champignons que t'avais récupéré. C'était champignons hallucinogènes. Que t'avais récupéré où en fait ? C'était mes trucs de base en fait. Ah, c'est les trucs de base. Clairement, ça peut être des champignons. Des champignons, enfin, il y a même des grandes chances que c'est des champignons qui viennent de leur secteur, okay. Toi, de la porte. Okay. Donc oui, toi, il te fait. Oui, ce sont bien les champignons. Ah, c'est des bons champignons. Oui, bien entendu, ils permettent à certains de trouver l'illumination et vous savez que grâce à ces champignons, il est dit qu'une personne a compris la magie et a fait qu'un avec. Waouh. Et du coup, mon ami qui est parti par là avec le bâton, ce serait le bâton et ce serait pas... Monsieur, il a dit que c'était le truc avec le pissenlit, je sais plus. Pissenlit ? Toi, il regarde son acolyte et fait... Est-ce que nous avons des connaissances sur ce pissenlit ou pas ? Toi, l'autre druide, le petit jeune, il regarde, il fait une grimace en mode... Il en sait rien, quoi. Oui, c'est sûr. Très bon en salade. Ça a toujours un rapport avec la salade. Il y a les faux raccords avec les armes de Klaus, et moi, ce sera avec les herbes. Donc voilà, toi, il y a la petite discussion voilà, qui va continuer. Il t'invitera, toi, à manger, à boire, il n'y a pas de souci. Mais... Je partage mon petit champignon. Ouais, bah, il n'y a pas... Tu verras qu'il en prendra pas. Toi, ils te disent qu'ils ne prennent les champignons que dans certains rituels pour eux et voilà. Toi ils vont quand même essayer de comprendre en fait. Ils ont compris en fait qu'apparemment il y a quelqu'un qui t'a parlé de Célestin. Et ils vont essayer de chercher qui c'est, à quoi ça correspond. Donc, à toi de voir de me dire si tu si de façon explicite ou pas tu dis que c'est un esprit ou pas quoi. Oh, ça viendra bien mais avec la avec toute la naïveté de Célène quoi. OK. Bah elle la merde, juste là la elle. Mais elle regarde là. très bien. Des gens qui sont morts. Très bien, très bien. Donc on retourne sur Heinrich. Donc Heinrich, tu es en train de t'embêter, enfin voilà, de t'embêter à perdre le druide. Justement, en fait, tu peut-être sans faire attention, tu bouscules une personne et quand tu la regardes. Bah, tu la reconnais et bah dis-moi qui tu reconnais. Qui est-ce que je reconnais ouais, je sais pas. Non, moi. C'est une conquête. Ouais, voilà. Je vais reconnaître, je sais pas moi, Joséphine. Une ange gardien. C'est ce que je voulais dire. Justement. Joséphine était ton ange gardien à un moment, mais c'était une personne à qui t'avais fait miroiter de grandes choses contre sa protection, parce que Joséphine est une guerrière. Et c'est une des nombreuses personnes qui, hélas, a eu la malchance de pas comprendre en fait ce que t'étais en train de faire au moment où t'es parti parce que tu voulais essayer de la sauver mais t'as pas réussi. Enfin, voilà, exactement, ça. Tout ça ce n'est qu'un simple malentendu, tout à fait. Voilà, ce n'est qu'un malentendu, mais donc Joséphine fait partie de ces malentendus. Ça, nous allons doubler pour le podcast, nous allons doubler en langage des signes. Donc si vous nous écoutez. C'est stupide. Voilà, merci. Je suis très content. On fait tout la gueule. Je suis très content de ma connerie. Je crois que j'ai tué tout le monde. C'est fini, on l'a perdu. Allez, c'est bon. C'est bon. Hop, c'est reparti. Donc tu as Joséphine qui se retourne et fait Heinrich. Tu es là. Avec une bonne bonhomme quand même. Bah c'est oui c'est clairement j'ai l'image en tête parce que je ne l'ai pas sous la main. Mais oui, clairement, tu as tombé sur Brienne de Tarse, quoi. Ouais, bah du coup, je me tourne vers elle et je fais bonjour, madame. Moiselle. Tu me reconnais pas? C'est moi, Joséphine. Si, bien sûr. Ah oui, Joséphine, bien sûr, tout à fait. Faut qu'il aille. Hop, reste là, toi, elle te prend par le callback. Pour pas Non, elle le prend par le bras, sauf que sa main entoure complètement son bras. C'est comme je dis, c'est une guerrière, mais toi, c'est une. C'est pas une petite guerrière, hein. C'est plus proche. On va dire du barbare, voilà quoi. Je vais te montrer. Une barbare snou. Voilà. Une barbare snou, je confirme. Voilà, Joséphine. Voilà, Joséphine l'ange gardien. L'ex-ange gardien. C'est la demi-sœur des Conan, c'est ça? Donc, Conan. Non, c'est pas Conan, parce que, bon... C'est Conan le babar. Conan le bobard. Il a de bonnes défauts. Fait partie des mythes et légendes, c'est Conan le bobard. Ah. Mais, Tiens, je viens de voir qu'il faut que je level up. Mais depuis le début, je suis là, c'est quand tu vas le voir? C'est quand tu vas le voir? Ouais. Moi, je vois que ça depuis le début de la séance. Donc, t'as chopé par le colbar, hein, comme j'ai dit, là. Non, mais. Tu comprends, je veux dire, les gens, on est beaucoup occupés, je veux dire, tu vois, différentes choses qui se passent et tout, et comment tu vas? Toi, elle te sourit, mais d'un sourire qui te préjuge rien de bon. Elle fait, je vais bien, en tout cas encore en vie, malgré le fait que tu m'aies laissé pour morte. Quoi? Non, j'aurais jamais fait ça, voyons. C'est pas mon genre. Non, je suis sûr qu'il y a un malentendu, on peut s'arranger, voyons. Elle te fixe et te fait... De toute façon, il y aura un arrangement, oui. Tiens, voilà, c'est son acolyte. Et donc, elle te regarde et fait, de toute façon, oui, il y aura un arrangement. Il y a bien du monde qui serait intéressé par toi. Bah, écoute, figure-toi, en parlant de ça, justement, il y a des gens qui m'attendent. Et si j'arrive pas bientôt, ils vont se demander où je suis. puis ils vont se mettre à me chercher et ils vont me trouver. Et du coup, t'as pas envie d'être là quand ils me trouvent. Tu bah regarde si t'es si ton est-ce que t'es enfin est-ce que c'est quelque chose que t'essayes de convaincre pour essayer de qu'elle te lâche ou vraiment toi c'est plus toi très Bah, techniquement, il y a bien des gugus qui veulent être payés, hein, et qui cherchent. Oui, oui, non, non, mais. Oh, bon, hein. Gugus qui aimerait te parler d'un bâton. En plus, tu vois, en donc. Non, mais de toute façon, tout le monde cherche Naïch. Le problème, c'est quand il le trouve. Bon, tu. Voilà, tu. Mais non, je dis ça comme ça, hein. C'est okay, là, d'accord. Ce qu'elle veut. Ok, bon, elle est. Elle te regarde, elle regarde à droite, à gauche, elle fait. Ouais. Je pense que. Il serait quand même intéressant que tu aies une petite discussion avec les personnes que je pense. Et. Il s'appelle tu vois qu'elle te. Toi, elle te. Enfin, elle te prend et genre elle te met genre en sac à patates quoi. Par contre non, je proteste, j'ai des jambes, je suis tout à fait capable de descends-moi. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir un fâché. Descends-moi. Tu vas taire ou bien descends-moi. Attends, non mais ça va me Ah, je suis à Elvis Foxcroft. Non. Voilà. Ah merde, laissez-moi là tout de suite. Allez, je suis fine, voyons. Bon, en l'entendant gueuler, moi j'entends quelqu'un qui couine comme un goré qu'on égorge. Que ah bah ça, c'est hein. Pas moi alors. Et du coup, je suis pas forcément juste à côté, ils sont à un coin de mur ou un truc comme ça, puis je m'approche et je vois une riche qui vole à 30 cm du sol. Ah, qu'est-ce que c'est que... Ah, une riche ? Ah, bonjour, Klaus ! Tu vois, je t'ai dit, il y a des gens qui me cherchent, tu voulais pas m'écouter, merde, bon, maintenant, je te cherchais pas particulièrement ! Si, tu me cherchais, ta gueule ! Ah, je vois que tu es copain avec une charmante demoiselle ! Je vais vous laisser. Non mais si tu veux, je fais les présentations, Klaus. Yeah. Oui, bah Joséphine, Klaus, Joséphine, amusez-vous. Enchanté. Toi, t'as Joséphine qui te regarde de haut en bas et fait. Il est plutôt mignon. Ouba. T'as le lâche. Snou ou la vie. Non, c'est pas ça. Merde. Non, mais voilà, elle te regarde de haut en bas et elle fait. C'est qui le Gugus là, t'as dit Hein? Qui? Quoi? Où? Quand? Un Gugus ou ça? tu vois qu'elle te regarde, Klaus, toi, attentivement, toi, elle sait pas trop à qui elle a affaire. Et. Elle a l'air de se méfier, quoi, un peu, quoi. Bonjour, est-ce que vous pouvez poser Klaus? Il faut que je lui parle un petit souci. Klaus, c'est toi. D'accord, Nacha, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, t'es pas là. La dame, hein, dis donc. Dis bonjour, Klaus. Bonjour, Klaus. Ok, bon. Donc, toi, elle regarde à droite, à gauche, elle voit qu'elle est toute seule contre toi, avec l'autre qui s'agite dans tous les sens. Bon, elle se dit que, ouais, elle a peut-être autre chose à faire. Et lâche donc, lâche de façon tout à fait. Enfin, comme le vieux sac à patates qu'est Heinrich, tu sais, à terre, quoi. Tu tombes à terre, tu sais, dans la poussière ou la boue, là, qu'il y a. Dans la fange. Ouais, et ben, je me relève d'un bond, je me dépoussière et tout, je fais, ah là, mais... Sur ce, amusez-vous, bonne journée. Toi, elle se retourne quand même vers toi avant peut-être que tu partes et fait. Ne crois pas que tu pourras te soustraire. Et attends, je recherche, c'était quoi le. C'était. Je cherche le nom du gang des méchants contre toi là. Oui, c'était la bande à quoi je me suis appelé. Le CCHF, le comité contre Heinrich Foxcroft. C'est ça, voilà. Je le retrouvais plus, je cherchais depuis tout à l'heure, j'arrivais plus. Voilà, donc voilà, elle te sort ça quoi, elle te sort ce truc là. Le CCHF, ça s'appelle vraiment comme ça maintenant? Bah, si c'est ça, okay. Voilà, moi je prends. Ah bah écoute, ok, oui, non mais d'accord. Ah oui, non mais c'est original comme nom. C'est alors, il y a absolument, je pense, zéro possibilité qu'il s'agisse d'un fan club. Ah, c'était la confrérie anti-Heinrich avant, donc c'était soit le... C'est un deuxième groupe, laisse tomber. Oui, oui, oui, c'est comme le Judean People's Front, le People's Front of Judea. Dans la vie de Brian. Cherche pas, c'est juste un deuxième groupe. Fais gaffe, tu as tellement de groupes sur la gueule, à un moment donné, ça va mal se passer. Oui, et il est où le problème? J'ai la tchatch, tout va bien. Regarde, je m'en suis parfaitement bien sorti. Ouais, ouais, c'est pas parce qu'il y en a un qui sait qui arrive entre temps, mais bon. Donc ouais, elle te sort quand même ça, et bah si tu prends tes pieds à ton cou pour te barrer. Non, je prends pas mes pieds à mon cou, je m'excuse très poliment et je dis que je suis attendu ailleurs. Voilà, ok. Et aussi qu'elle transmette mes amitiés à mon fan club. Attention, je ne sais pas qui. Pardon. Ouais, merci. Donc oui, bah voilà, elle te lance un regard noir, quoi, clairement. Et se retourne vers Klaus. Tu es le prochain gars qui va entuber, c'est ça? Ah non, moi je me fais pas entuber. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Enfin, j'utilise Heinrich pour arriver à mes... Voilà. Et lui, il se sert sûrement de moi aussi, je pense, quelque part. Allez. Fais gaffe. Il te jette des belles paroles, il te fait croire que t'es la des plus belle. Des belles paroles, lui. C'est une bonne blague. Toi, il est un peu désarçonné en fait, le fait que tu rigoles, t'es aux belles paroles et tout ça, quoi. Et il t'amadora avec de belles paroles et des fleurs. Arnaud, je ne suis pas une échelle de demoiselle. Non, je suis pas. Arnaud, je suis pas une poufia, Stéphile. Non, mais tu dis ça réellement ou pas? C'est non, non, non, non, je vais me faire défoncer. J'ai encore remis de la baffe du. Attends. Non, par contre, je rigole effectivement. Je suis pas une poufiasse de la campagne qui s'habille avec des pots. C'est histoire de bien appuyer le. Aïe, aïe, aïe. Alors, par contre, je pourrais effectivement glisser une petite pique, genre. Les belles paroles n'atteignent que les personnes un peu simples, un truc comme ça, tu vois. Ok, mais pas bon, aussi bah... direct, un truc un peu plus enrobé que. Ok, bon bah toi, elle te regarde, mais c'est. On se pose la question à un moment donné de ce que t'as pu lui dire parce qu'elle a pas trop bien compris quoi. Attends, si vous voulez m'excuser. Ah, Heinrich! Et pour le coup, non, mais elle va quand même t'arrêter quelques instants. Tu sais, elle te chope au biceps quoi pour t'arrêter. Et ouais. Te retourne quand même et fait. Faites quand même attention. Il a mis la vie en danger de plus d'un et Oui, je sais que c'est un IA en merde. Et c'est ça qui est rigolo dans la vie, justement. Toi, et là, clairement, tu l'as... Elle te regarde, mais toi, les yeux grands ouverts en mode, mais what the fuck, quoi. C'est qui derrière, ce mec. C'est un peu ça. Et attends qu'elle voit le reste du groupe, hein, parce que là. elle te lâche et te laisse partir, quoi. Enfin, tu vois qu'elle part et. Maintenant, si vous voulez m'excuser. Ah, Marish. Ok. Et là, regarde, transition. Ah, Heinrich, pourquoi j'ai fait trouver cette feuille avec ma tête dessus? En se disant que je suis connu de toi, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, ils sont ratés mon nez. Ah, j'étais obligé de caler cette référence. Oui. Oui. Non, mais non, il est très ressemblant, ce nez, regarde. Je prends le truc, je le mets à côté de ta tête. Non, mais il y a un petit air quand même. C'était quoi la question? La question, c'était pourquoi. Pourquoi ton nez, il est ressemblant? Non, parce que l'artiste, il est bon. Pourquoi c'est moi qui suis sur l'affiche et pas toi? Je comprends pas, je n'ai rien fait de mal. Je sais pas. C'est marqué que je suis un de tes complices et que tu es recherché aussi. Écris, regarde bien. J'imagine que ça n'a pas tout pris, que ça a un petit peu coupé. AFK 30 secondes. Non, mais attends, je fais attends. Signe distinctif, un gros nez. Écoute, je sais pas où est-ce que t'as fait avant qu'on traîne ensemble. Ça dit rechercher pour faire avant qu'on traîne ensemble. Les animaux. Marqué que je te connais. C'est ça, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Hein. Alors, c'était pas d'avant. Oui, pas pour mais tu vois, moi, tout le monde me connaît quelque part. Je suis quelqu'un d'extrêmement connu. Je suis cosmopolite. Donc je veux dire, le fait que quelqu'un me connaisse, ça veut pas dire quelque chose dans l'absolu. Après tout, je suis Heinrich Fuchscroft, archéologue de renom. Yeah, c'est pas complètement stupide. Tu vois? Ah si, c'est Heinrich, c'est complètement stupide, mais... Ouais, alors déjà que je suis pas très intelligent et en plus j'ai un malus. Non mais, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour que... Tu dois être habitué à ce genre de petite... Moi, non, j'ai sur le papier. Mais non, moi, comment oses-tu? Oh, je me sens insulté. J'ai une réputation irréprochable, moi, monsieur. Tu es en train de te foutre de ma gueule. Bon. J'oserais pas. J'oserais pas. Je te respecte trop pour ça. Je te connais pas depuis longtemps, mais la seule personne que tu respectes, c'est que toi. Et encore. Oh, le fait que tu dis ça, quand même, je me sens blessé, là. Attends, il y a même pas quelques heures en arrière, je vous sauvais tous d'un rituel magique. Est-ce que je ferais ça si je m'intéressais qu'à moi? 100%. Et là, tu me vois avec une tête blasée. C'est ça. Ah, laisse tomber, tu sers à rien, je vais me débrouiller tout seul. Et je m'en vais. Du coup, j'attends que tu partes un petit peu. Bon, je sais pas ce que c'était le problème, mais apparemment il s'est réglé. C'était même pas un petit peu de... Tu peux attaquer personnellement que je dise que tu sers à rien. Bah non, puisqu'à mes yeux, t'es complètement incompétent et ignare, donc à la limite... Ouais, c'est pas faux. Non, ça c'est sûr, ça c'est voilà. C'est parce que toi t'es le grand chasseur de bêtes, etc. Et la dernière bête qu'on a croisée, t'étais là, aïe, aïe, aïe, vite, retraite. Non, pas retraite, elle s'est barrée avant. Niveau compétences professionnelles, disons que t'as pas été le mec le plus brillant dans mon entourage là tout de suite. Oui, bah, au moins moi je vais au charbon. C'est peut-être pour ça que je suis pas brillant d'ailleurs. Ça dépend quel type de charbon tu es. Un charbon ardent. Ouais. Je subis pas encore assez de pression pour devenir brillant. Parce que j'allais dire, non mais c'est vrai qu'il est con et que souvent il va vite, donc quelque part il est quand même très compressé, donc ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait. Très bien. Est-ce que d'autres personnes veulent faire n'importe quoi, quelque chose sur cette scène ou pas? Alors, n'importe quoi, ça c'est de toute façon. On l'a depuis l'épisode 0, hein, c'est-à-dire même au moment où on était en train de créer l'environnement. Donc, Je dirais même avant. C'est ça. Mais ceci est une autre histoire. Donc oui, non, pas de... Non, rien pour moi, en tout cas. Ok. Donc voilà, la journée passe... Vous arrivez la nuit tombe et tout ça, vous voyez que ben, c'est quand même très... l'ambiance est un peu morose, bien que... Elle est, disons qu'elle n'est pas au niveau des autres soirées chez le vieux Ping, clairement. Et au bout d'un moment, en fait, vers 21h, 22h, vous entendez des gros gongs résonner en fait au milieu là où se passaient les bagarres, enfin voilà les combats. On a assisté. Un peu plus que vous avez assisté. Des gros gongs qui ont été placés là, où vous voyez qu'il y a sur les quatre coins et où que voilà les gars sont en train de taper dessus. Au départ, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Toi, ça de plus en plus vite et jusqu'à s'arrêter un moment et avoir le son qui résonne. Tout le monde est en train de regarder ce qui se passe parce que tout le monde est en train de parler entre eux. Première fois que ça. Enfin voilà, c'est un événement apparemment. C'est la première fois que les habitués voient ça. Et arrive en fait le vieux Ping au milieu. Vous voyez le vieux Ping qui est là. Alors, je ne sais plus comment on l'avait défini, mais. Je crois qu'on ne l'a pas défini. Ouais. Ouais. Il est vieux et il s'appelle Ping. Non, mais je sais plus si vous l'aviez déjà rencontré, en fait, c'est pour ça, mais... Non, il est vieux, il s'appelle Ping, et c'est Xubi qui fait la voix. C'est ça. Tu es prêt? Attends, je laisse un petit peu de temps que je me mets dans le personnage. T'inquiète pas, parce qu'il y aura, tout un truc avant. Mais, vous voyez que c'est, voilà, le vieil homme... crâne rasé, petite barbe blanche, une petite barbe un peu longue. Mais clairement, enfin voilà, c'est vraiment le, c'est exactement ça quoi. C'est vous le style, ce style là qui arrive. Vous voyez qui marche tranquillement, doucement. Et il a un petit, toi, une petite canne pour le faire avancer. Et quand il arrive au milieu, que le gong résonne encore, il tape un bon coup sur au milieu et en fait le son des gongs s'arrête et il commence à parler. Alors moi je vais pas faire le... Hein, voilà. Bah, c'était un texte balancé. Non, j'ai pas de texte. Parce que je fais ça de... Ouais, bah oui, oui, j'imagine. Voilà, ça, hein. Du coup, je sais comme dame. Comment l'interpréter, quoi. À part... T'es pas mon team ! T'es pas mon team ! Et il commence comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. T'es pas possible, t'es pas possible, t'es pas possible, t'es pas possible. Il fait... Notre notre auberge a eu une attaque d'ennemis. Ennemis à tous. Je viens vous le dire aujourd'hui. Moi, le vieux Ping, que vous connaissez tous, que vous savez être un homme neutre, a décidé aujourd'hui que j'allais entrer en guerre. Toi, il retape un bon coup. Et là, t'as deux cons au fond de la baie, au fond du truc qui gueule. Révolte ! Et il gagne l'indépendant ! Non. Mais là, ça s'appelle Robert, sinon ça s'appelle Getno. Et donc, il fait voilà, nous allons en guerre. J'ai décidé que je ferai tomber Lucifer. Il a été décidé qu'une partie des autres groupes et moi-même allons faire une alliance pour le combattre. C'est ainsi que la brigade civile, la guilde des chasseurs de trésors, l'ordre de Sandar, les paladins de l'ordre, nous menerons une attaque décisive contre eux, le manoir de Lucifer. Il tape une nouvelle fois contre avec sa canne et juste comme ça en fait, vous sentez une aura réellement toi partir de lui et se vraiment aller dans tous les sens. Et activer les gongs quoi qui résonnent quoi comme ça. Clairement c'est de la magie et de la magie très puissante. Vous comprenez là que bah, le vieux Ping c'est pas c'est pas le premier pas moitié d'un. Voilà clairement. Et ah, mais c'est sûr que s'il y a pas de Ping tout tombe en ralenti hein. C'est ça. Et donc bah c'est avec ça en fait avec avec cette ce bruit de gong qui résonne encore vous le voyez ressortir et remonter à l'étage voilà et vous remarquez que il est suivi par plusieurs autres personnes des différents groupes qui a été cité. Bon ben clairement suite à ça ben, c'est un peu l'effervescence hein, un peu dans tous les côtés et tout. Ouais. C'est en train de discuter de la chose. Vous remarquez qu'une partie des dégâts au vieux Ping ont monté apparemment dans un secteur un endroit pour recruter. Toi ils ont l'air de recruter du monde. Contre apparemment des belles sommes d'argent. Première vue, ça a l'air plutôt de bien payer. Voilà. Comment vous réagissez à cette annonce de votre côté ? Je reste impassible. Et bon, je fais encore mieux et je reste deux passibles. Je cite à surenchérir. Moi, je suis là. Waouh. C'est trop bien. C'est ça, mais c'est la seule en fait où vous entendez le seul claquement des bras. Deux minutes plus tard, c'est l'aîné dans la queue pour s'inscrire. Et merde. Et puis il inscrit tout le groupe. C'est ça. Hey, je vous ai trouvé des places. C'est ça. Hein? Des quoi? Et en plus, ils les ai même pas achetés. Ils ont donné de l'argent. Putain, c'est... En fait, c'est notre sparadrap. Oui. Hey, tu veux rentrer dans ma guilde? On est presque niveau 100. Oh putain. Ouais, bah ouais, ouais voilà, ouais. C'est... Bon, clairement, bah, ça vous fait au moins comprendre bah, qui a sûrement attaqué le vieux Ping. Bah oui, oui. Voilà, hein, déjà. Ah oui, obviously, hein. C'est les orques du dormeur. Bah oui. Du lit dormeur. Donc, voilà, bon... Bon, ça vous fait que ça alors, c'est... vous êtes vraiment impassible au truc quoi. Ah bah, d'apparence, oui, mais évidemment, quand elle est pété la gueule à ce connard. Ouais, yes. Vous connaissez mon enthousiasme pour les grandes causes qui ne me concernent pas directement. Ça, c'est... Il y aura Rwana là qui va le choper par le bras. Tu viens. Non. Ouais, je m'inscris pas, mais je reste toujours à l'affût d'informations concernant l'anneau. Parce que comme c'est une créature dangereuse et mythique, faut que je bute. Ok, bah, je vais te laisser, voilà, enfin, toi, tu... Non, merde, je... donc ouais, tu voilà, tu laisses ton oreille un peu voilà te, un peu te balader tout ça. Est-ce que t'en parles de façon détournée ou non, il y a pas de souci, tu lui dis oui. Non, j'y vais. Ouais. Et voilà, alors, ça a coupé. Du cul. Non. Oui, ça a coupé. Ouais. Non, c'est parce que j'ai mon micro un peu relevé. Je disais non, j'y vais un petit peu en disant genre rumeur, ouais, j'ai vu une espèce d'énorme chien chaloux. Chien chaloux. Non mais avec ton accent, ça fait juste un chien qui est jaloux de quelqu'un quoi. Un chien chaloux. Ya. Un chien chaloux, je te jure. Un énorme bestiau. Très bien. Bon, bah voilà, l'objectif c'est de récupérer des infos. Donc vas-y. Donc je te fais moi un petit jet de. Pour savoir ce que tu trouves. Ça peut être quoi? Discerner la réalité. Ouais. Est-ce que t'as un truc pour me poser une question en plus avec discerner la réalité, toi? Est-ce que t'as un truc en plus? Je ne sais plus. Non, je sais pas. Oui, fais ça. Bon, je vais pas poser 3, 4, 15 000 questions. Hein. C'est un succès partiel. Très bien, donc ouais, tu pouvais poser une question. Alors, il te propose une liste. Alors, bah, à quoi dois-je être attentif? Donc, en gros, qu'est-ce que j'apprends sur la bestiole En fait, les infos que tu vas avoir vont venir des trois druides qui vont entendre parler de cet animal qui est contre nature et et t'expliqueront en fait que qu'avant de devenir ce qui est l'anneau en fait, celui-ci était un réel animal qui a été pour eux en fait il y a un élémentaire en fait qui a remplacé l'âme de l'animal en fait. Et, d'accord. Et donc il y a peut-être pour eux il y a peut-être moyen de sauver l'animal derrière quand même, pour en retrouver son âme. Oui, alors autant te dire que sauver l'animal, je m'en pourrais joyeusement les. C'est ça. Je vais le sauver en le montant sur un mur. C'est ça. Oui. Je vais sauver sa tête surtout pour prouver que c'est moi qui l'ai buté. Après voilà, ils te parlent eux de ce qu'ils savent et de ce qui est possible. Maintenant. D'accord. Ils pensent que au moins. En tout cas, le pouvoir de cet animal vient sûrement de sombre d'un élémentaire, qui le contrôle en fait. Mystérieux. Est-ce que par hasard j'entendrai des informations concernant sa tanière? Au peu d'informations que tu arrives à récupérer là-dessus, tu comprends en fait que sa tanière, c'est tout simplement le manoir. D'accord. Ce qui revient plus ou moins à ce que tu avais comme info, comme quoi c'était l'animal. Oui, non mais c'est pour voilà. Très bien. Vu son terrain de jeu, être dans un quartier ou un truc comme ça, tu vois. Tu sais, c'est Lucifer. Lucifer, son terrain de jeu, c'est sa ville. Oui, bah c'est pour ça que cette dernière serait peut-être un lieu de villégiature des chultistes. Pardon. Mais enfin bref, c'est bon, j'ai pas d'autres questions. Ok. Donc garde en tête, garde en tête ça, ce que je peux vous proposer, ça va faire quoi, une heure et quart là qu'on a lancé, faire une petite pause, vite fait, ouais. de 5 minutes, le temps, voilà, moi j'ai soif et je vais me chercher de quoi boire. Donc petite pause bio, boisson et miam pour ceux qui veulent. Oui, miam. Et on reprend pour savoir ce que vous voulez faire par la suite. Ok.